Reprise. Madame de Staël quitta Paris non sans danger après le 2 septembre. Elle passa l'année de la Terreur au pays de Vaud avec son père et quelques amis réfugiés, M. de Montmorency, M. de Joncourt. De ses terrasses de Copé, au bord du lac de Genève, sa plus fixe méditation était de comparer l'éclatant soleil et la paix de la nature avec les horreurs partout déchaînées de la main des hommes. À part ce cri éloquent de pitié qu'elle fit entendre pour la reine, à part une épître en vers, au malheur, son talent observa un religieux silence. On entendait de loin, aussi sourds et pressés qu'un bruit de rame sur le lac, les coups réguliers de la machine sur l'échafaud. L'état d'oppression et d'angoisse où Madame de Staël resta durant ces mois funestes ne lui permettait, dans les intervalles de son actif dévouement pour les autres, que de désirer la mort pour elle, d'aspirer à la fin du monde et de cette race humaine si perdue. Guillemet. Je me serais reproché, dit-elle, jusque à la pensée comme trop indépendante de la douleur. Fin des guillemets. Le 9 Thermidor lui rendit cette faculté de pensée plus énergique après l'accablement, et le prompt usage qu'elle en fit fut d'écrire ses réflexions sur la paix extérieure et intérieure, dont la première partie s'adresse à M. Pitt et la seconde aux Français. Dans celle-ci, principalement, un mélange de commisération profonde et de justice déjà calme, l'appel de toutes les opinions non fanatiques, à l'oubli, à la conciliation, la crainte des réactions imminentes et de tous les extrêmes renaissant les uns des autres. Ces sentiments aussi généreux qu'opportuns marquent à la fois l'élévation de l'âme et celle des vues. Il y a une inspiration antique dans cette figure de jeune femme qui s'élance pour parler à un peuple, le pied sur les décombres tout fumant. Il y a de plus une grande sagacité politique et une entente de la situation réelle dans les conseils déjà mûrs qui lui échappent sous cet accent passionné. Témoin des succès audacieux du fanatisme, Madame de Staël le déclare la plus redoutable des forces humaines. Elle l'estime inévitable dans la lutte et nécessaire au triomphe en temps de révolution, mais elle le voudrait à présent circonscrire dans le cercle régulier qui s'est fait autour de lui. Puisque ce fanatisme se portait sur la forme républicaine qu'il a enfin obtenue, elle convie tous les esprits sages, tous les amis d'une liberté honnête, quel que soit leur point de départ, à se réunir sincèrement en cette nouvelle enceinte. Elle conjure les cœurs saignants de ne pas se soulever contre un fait accompli. Guillemet. Il me semble, dit-elle, que la vengeance, si même elle est nécessaire aux regrets irréparables, ne peut s'attacher à telle ou telle forme de gouvernement, ne peut faire désirer des secousses politiques qui portent sur les innocents comme sur les coupables. Fin des guillemets. Il n'est pas en révolution de période plus heureuse, selon elle, c'est-à-dire plus à la merci des efforts et des sacrifices intelligents, que celle où le fanatisme s'applique à vouloir l'établissement d'un gouvernement dont on n'est plus séparé, si les esprits sages y consentent, par aucun nouveau malheur. On voit qu'elle traite le fanatisme tout à fait comme une force physique, comme elle parlerait de l'apesanteur, par exemple. Grande preuve d'un esprit ferme le lendemain d'une ruine. Persuadée qu'on n'agit que sur les opinions mixtes, Madame de Staël se montre surtout préoccupée dans cet écrit de convaincre les Français de sa ligne, les anciens royalistes constitutionnels, et de les rallier franchement à l'ordre de choses établies, pour qu'ils y influent, et le tempèrent sans essayer de l'entraver. Guillemet. Il est bien différent, leur dit-elle, de s'être opposé à une expérience aussi nouvelle que l'était celle de la République en France, alors qu'il y avait tant de chances contre son succès, tant de malheurs à supporter pour l'obtenir, ou de vouloir, par une présomption d'un autre genre, faire couler autant de sang qu'on en a déjà versé, pour revenir au seul gouvernement qu'on juge possible, la monarchie. Fin des guillemets. De telles conclusions, on le sent, durent paraître trop républicaines à beaucoup de ceux à qui elles s'adressaient. Elles durent aussi le sembler trop peu aux purs conventionnels et aux républicains par conviction. Dans les autres récits qu'elle publia jusqu'en 1803, Madame de Staël, nous le verrons, se rattacha de plus en plus près à cette forme de gouvernement et aux conditions essentielles qui la pouvaient maintenir. La plupart des principes philosophiques, qui tendaient à leur développement sous la constitution de l'an III, bien comprise et mieux respectée, trouvèrent un brillant organe en elle durant cette période assez mal appréciée de sa vie politique et littéraire. Ce ne fut que plus tard, et surtout vers la fin de l'Empire, que l'idée de la constitution anglaise la saisit. Dans le volume de morceaux détachés que Madame de Staël publia en 1995, on rencontre, outre trois nouvelles qui datent de sa première jeunesse, un charmant essai sur les fictions, composé plus récemment, et une épître au malheur où Adèle et Édouard, petit poème écrit sous le coup même de la terreur. Il est remarquable que dans cette situation extraordinaire, où toutes les facultés habituelles de son talent demeuraient suspendues et comme anéanties, une idée de chant, de poème, lui soit seule venue en manière d'entretien et de soulagement. Tant la poésie en vers répond effectivement à la souffrance la plus intérieure, en est la plainte instinctive, l'harmonieux soupir naturellement désiré. Tant ce langage aux souveraines douceurs excellerait, quand tout le reste se tait, à exprimer et à épancher nos larmes. Mais dans ce poème en vers, comme dans les autres tentatives du même genre, telles que Jeanne Grey et Sophie, l'intention chez Madame de Staël vaut mieux que le résultat. Ainsi, en cette épître, d'après le sentiment dominant qui l'affectait et que nous avons indiqué déjà, elle s'écrit. Souvent les yeux fixés sur ce beau paysage, dont le lac avec pompe agrandit les tableaux, je contemplais ces monts qui, formant son rivage, peignent leur cime auguste au milieu de ses eaux. Quoi, disais-je, ce calme où se plaît la nature, ne peut-il pénétrer dans mon cœur agité? Et l'homme seul, en proie aux peines qu'il endure, de l'ordre général serait-il excepté? Ce sentiment du désaccord de la nature glorieuse et en fait avec les souffrances et la mort de l'homme a inspiré des accents d'amertume ou de mélancolie à la plupart des poètes de nos jours. À Byron, dans le début magnifiquement ironique du second chant de Lara, « But mighty nature bonds us from her birth », etc., Lara, Cantique 2, à Shelley, vers la fin si contristée d'Alastor, « And mighty earth from sea and mountain, city and wilderness », etc., Alastor, à Monsieur de Lamartine, dans le dernier pèlerinage de Childarold. « Triomphe, disait-il, immortelle nature, etc. » Dernier chant de Childarold, 42. À Monsieur Hugo, en l'un des soleils couchants de ses feuilles d'automne. « Je m'en irai bientôt au milieu de la fête, sans que rien manque au monde immense et radieux. » Feuilles d'automne, 35. En comparant les quatre poètes sur cette même pensée, on saisira bien le caractère différent de leur inspiration habituelle. Voir aussi dans la correspondance de Steele et de Pope une lettre du 15 juillet 1712 où cette pensée est exprimée avec bien de la philosophie. Corinne elle-même, au Cap Misaine, n'a-t-elle pas repris cette haute inspiration ? Guillemet. Ô terre, toute baignée de sang et de larmes, tu n'as jamais cessé de produire et des fruits et des fleurs. Es-tu donc sans pitié pour l'homme? Et sa poussière retournerait-elle dans ton sein maternel sans le faire tressaillir? Fin des guillemets. D'où vient maintenant qu'un poète par l'âme et par l'expression, comme l'était Madame de Staël, abordant en vers un sentiment si profond chez elle, l'est prosaïquement rendu. Cela tiendrait-il, comme le dit Madame Necker de Saussure, à ce que le mécanisme de la versification s'étant tellement perfectionné en France, le travail qu'il exige amortit la verve quand on n'y est pas suffisamment habitué ? Cela tiendrait-il, comme un critique moins indulgent l'a conjecturé, à ce que, ne s'assujettissant presque jamais, même dans sa prose, à un rigoureux enchaînement, Madame de Staël était peut-être parmi les contemporains la personne la moins propre à recevoir avec résignation et à porter avec grâce le joug de la rime. Mais d'abord, on voit des écrivains éminents, très sévères, très accomplis et très artistes dans leur prose, n'être pas plus avancés grâce à ces fortes habitudes pour atteindre à l'expression savante et facile en vers. Et d'autre part, un des plus harmonieux et grands poètes que nous ayons ne nous offre-t-il pas la singularité d'être volontiers un des plus négligents écrivains, un des moins laborieux à ses vers comme à sa prose ? Il vaut mieux reconnaître qu'indépendamment des habitudes et des tours acquis, le talent de poésie est en nous un don comme le chant. Ceux que la muse a voués à ces belles régions y arrivent comme sur des ailes. Chez Madame de Staël, aussi bien que chez Benjamin Constant, les essais en ce genre furent médiocres. Leur pensée si libre, si distinguée dans la prose, n'emportait jamais à l'origine cette forme ailée du vers, qui, pour être véritablement sacré, doit naître et partir avec la pensée même. Toutes les facultés de Madame de Staël reçurent du violent orage qu'elle venait de traverser une impulsion frémissante, et prirent dans tous les sens un rapide essor. Son imagination, sa sensibilité, sa pénétration d'analyse et de jugement se mêlèrent, s'unirent et concoururent aussitôt sous sa plume en de mémorables écrits. L'essai sur les fictions, composé alors, renferme déjà toute la poétique de Delphine. Froissée par le spectacle de la réalité, l'imagination de Madame de Staël se reporte avec attendrissement vers des créations meilleures et plus heureuses, vers des peines dont le souvenir, du moins, et les récits, font couler nos plus douces larmes. Mais en même temps, c'est pour le véritable roman naturel, pour l'analyse et la mise en jeu des passions humaines, que Madame de Staël se prononce entre toutes les fictions. Elle les veut sans mythologie, sans allégorie, sans surnaturel fantastique ou féerique, sans but philosophique trop à découvert. Clémentine, Clarisse, Julie, Werther, ces témoins de la toute-puissance du cœur, comme elle les appelle, sont cités en tête des consolateurs chéris. Il est aisé de prévoir, à l'émotion qu'il a saisie en les nommant, qu'il leur naîtra bientôt quelques sœurs. Une note de cet essai mentionne avec éloge l'esprit des religions, ouvrage commencé dès lors par Benjamin Constant et publié seulement 30 ans plus tard. Madame de Staël en avait connu pour la première fois l'auteur en Suisse, vers septembre 1994. Elle avait lu quelques chapitres de ce livre qui, au début, dans la conception primitive, remarquons-le en passant, était beaucoup plus philosophique et plus d'accord avec les résultats d'analyse du XVIIIe siècle qu'il n'est devenu depuis. L'essai sur les fictions nous offre déjà, dans sa rapidité spirituelle, une foule de ces mots vifs, courus et profonds, de ces touches délicieuses de sentiments, comme il n'en échappe qu'à Madame de Staël, et qui lui compose, à proprement parler, sa poésie à elle, sa mélodie rêveuse. Elle avait, en les prononçant, des larmes jusque dans les notes brillantes de la voix. Ce sont des riens dont l'accent surtout nous frappe, comme par exemple « dans cette vie qu'il faut passer plutôt que sentir », etc. Il n'y a sur cette terre que des commencements. Et cette pensée si applicable à ses propres ouvrages, Oui, il a raison, le livre qui donne seulement un jour de distraction à la douleur. Il sert au meilleur des hommes. Mais ce genre d'inspiration sentimentale, ce mystérieux reflet sorti des profondeurs du cœur, éclaire tout entier le livre de l'influence des passions et y répand un charme indéfinissable qui, pour certaines natures douloureuses et à un certain âge de la vie, n'est surpassé par l'impression d'aucune autre lecture, ni par la mélodie d'Ossian, ni celle d'Obermann. Les premières pages du livre sont très remarquables, en outre, sous le point de vue politique. L'auteur, en effet, qui n'a traité au long que de l'influence des passions sur le bonheur des individus, avait dessein d'approfondir, en une seconde partie, l'influence des mêmes mobiles sur le bonheur des sociétés et les questions principales que présageait cette immense recherche sont essayées et soulevées dans une introduction éloquente. Aux prises tout d'abord avec le souvenir du passé monstrueux qui la poursuit, Madame de Staël s'écrie qu'elle n'y veut pas revenir en idée. À cette affreuse image, tous les mouvements de l'âme se renouvellent. On frissonne, on s'enflamme, on veut combattre, on souhaite de mourir. Les générations qui viennent pourront étudier à froid ces deux dernières années. Mais elle ne veut pas y entrer, même par le raisonnement. Elle se tourne donc vers l'avenir. Elle sépare les idées généreuses d'avec les hommes néfastes et dégage certains principes de dessous les crimes dont on les a souillés. Elle espère encore. Son jugement sur la constitution anglaise est formel. Elle croit qu'on peut désormais se passer en France des fictions consacrées par cet établissement aristocratique de nos voisins. Elle est, non pour l'antagonisme et l'équilibre des pouvoirs, mais pour leur concours en une même direction, bien qu'avec des degrés de vitesse différents. Dans toutes les sciences, dit-elle, on débute par le plus composé pour arriver au plus simple. En mécanique, on avait les rouages de Marly avant l'usage des pompes. Sans vouloir faire d'une comparaison une preuve. Peut-être, ajoute-t-elle, lorsqu'il y a 100 ans, en Angleterre, l'idée de la liberté reparut dans le monde. L'organisation combinée du gouvernement anglais était le plus haut point de perfection où l'on pût atteindre alors. Mais aujourd'hui, des bases plus simples peuvent donner en France, après la Révolution, des résultats pareils à quelques égards et supérieurs à d'autres. La France doit donc persister, selon elle, dans cette grande expérience dont le désastre est passé, dont l'espoir est à venir. Laissez-nous, dit-elle à l'Europe, laissez-nous en France combattre, vaincre, souffrir, mourir dans nos affections, dans nos penchants les plus chers, renaître ensuite, peut-être pour l'étonnement et l'admiration du monde. N'êtes-vous pas heureux qu'une nation tout entière se soit placée à l'avant-garde de l'espèce humaine, pour affronter tous les préjugés, pour essayer tous les principes ? Marie-Joseph Chénier aurait dû se souvenir de tant de passages inspirés par le libre génie de ses années d'espérance, plutôt que de se prendre, comme il l'a fait, tableau de la littérature, à un mot douteux échappé sur Condorcet. Vers la fin de l'introduction, Madame de Staël revient à l'influence des passions individuelles, à cette science du bonheur moral, c'est-à-dire d'un malheur moindre. Et elle achève en éloquence attendrissante. Le besoin de dévouement et d'expansion, la pitié née des peines ressenties, la prévenance et la sollicitude à soulager, s'il se peut, les douleurs de tous et de chacun. Comment dirais-je, la maternité compatissante du génie pour toutes les infortunes des hommes y éclate, y déborde, en paroles dont on ne saurait qualifier le timbre et l'accent. Nulle part, aussi visiblement que dans ces admirables pages, Madame de Staël ne s'est montré ce qu'elle restera toute sa vie, un génie cordial et bon. Il y avait dans ses écrits, dans sa conversation, dans toute sa personne, une émotion salutaire, améliorante, qui se communiquait à ceux qui l'entendaient, qui se retrouve et survit pour ceux qui la lisent. Bien différente des génies altiers, d'hommes ou de femmes, des Lara, des Lélia. Je parle de Lélia seulement, et non pas de vous, ô Geneviève, ô Lavinia. Note. Je m'étais attaché de bonne heure dans George Sand à distinguer le côté délicat, passionné, et à désirer le voir triompher de l'élément plus fougueux et déclamatoire. Avec les années, ce beau génie, sans s'affaiblir, étalé, s'épurant. Reprise. Rien chez elle d'arrogant ni d'ironique contre la pauvre humanité. Malgré son goût pour les types incomparables qui font saillie dans ses romans, elle croyait à l'égalité de la famille humaine. Madame Necker de Saussure nous apprend que même à l'égard des facultés intellectuelles, elle estimait que c'était assez peu de choses au fond, une assez petite disproportion originelle qui constituait la supériorité des talents éminents sur la moyenne des hommes. Mais qu'il y ait théorie ou non chez elle, son mouvement naturel n'attend pas. Sa voix qui s'empresse fait d'abord appel à toutes les bonnes puissances, les réchauffe en nous et les vivifie. L'effet de sa parole est toujours sociable, conciliant, allant à l'amour de nos semblables. Elle a exprimé dans ce livre de l'influence des passions bien des idées qui sont aussi dans les « Considérations sur la Révolution française » de M. de Maistre, écrites et publiées précisément à la même date. Mais quelle différence de ton, le patricien méprisant, l'orthodoxe paradoxal et dur, se plaît à montrer aux contemporains et aux victimes leurs neveux qui danseront sur leur tombe. Cette cervelle puissante juge les désastres à froid, et avec une offensante rigidité. Madame de Staël, à travers quelques vapeurs d'illusion, pénètre souvent les choses aussi avant que M. de Maistre, mais comme un génie ému et qui en fait partie. Je n'analyserai pas le livre, qu'on relise seulement le chapitre de l'amour. C'est l'histoire intime, à demi palpitante et voilée, de tout ce cœur de 30 ans, tel qu'il nous suffit de la savoir. On y entend autour de soi 1000 échos de pensées qu'on n'oubliera plus. Un mot, entre autres, m'est resté, que je redis souvent. La vie de l'âme est plus active que sur le trône des Césars. Si l'on me voit tant m'arrêter à ces plus anciens écrits de Madame de Staël, au livre de l'influence des passions, et bientôt à celui de la littérature, c'est qu'à moi-même, Madame de Staël m'est apparue pour la première fois par là. C'est que je les ai lus, surtout l'influence, non pas à 25 ans comme elle le veut, mais plutôt à cet âge où tout est simple, rigoureux, en politique, en amour, et plein de solennelles résolutions. Où, en se croyant le plus infortuné des êtres, on rêve ardemment le progrès et la félicité du monde. À cet âge, de plus en plus regretté, où l'excès des espérances confuses, des passions troublantes, se dissimule sous un stoïcisme qu'on croit éternel, et où l'on renonçait si aisément à tout, parce qu'on était à la veille de tout sentir. Même aujourd'hui, ces deux ouvrages de Madame de Staël, l'influence des passions et le livre de la littérature, me semblent les illustres produits tout à fait particuliers à une époque qui eut sa gloire, à l'époque directoriale, ou pour mieux dire, de la constitution de l'an III. Ils n'eussent pu être écrits auparavant. Ils n'eussent pu l'être ensuite, sous l'Empire. Ils me représentent, sous un air de jeunesse, la poésie et la philosophie exaltées, enthousiastes et purs, de cette période républicaine. Le pendant en littérature d'une marche de Moreau sur le Rhin, ou de quelque premier combat d'Italie. M. de Chateaubriand et tout le mouvement réactionnaire de 1800 ne s'étaient pas produits encore. Madame de Staël seule propageait le sentiment et le spiritualisme poétique, mais au centre de la philosophie et du siècle. Le livre « De l'influence des passions » obtint un favorable accueil. Le Mercure, non encore restauré comme il le fut en 1800, en donna des extraits accompagnés de critiques bienveillantes. Madame de Staël était revenue à Paris dès l'année 95, et elle ne cessa, jusqu'à son exil, d'y faire de fréquents et longs séjours. Nous n'avons pas à nous occuper en détail de sa conduite politique, dont elle a tracé la ligne principale dans ses considérations sur la Révolution française. Et il serait peu sûr de vouloir suppléer, avec des particularités de source équivoque, à ce qu'elle n'a pas dit. Mais, dans un morceau très distingué et très spirituel sur Benjamin Constant, que la Revue des Deux Mondes a publié, 1833, premier volume, page 185, l'article est de Loève Weimars. Il a été donné, de Madame de Staël et de ses relations d'alors, une idée inexacte, assez conforme du reste à un préjugé répandu, et que pour ces motifs, nous ne pouvons nous empêcher de rectifier. Le salon de Madame de Staël à Paris est représenté comme le centre d'une coterie de mécontents, d'hommes blasés de l'ancien et du nouveau régime, incompatibles avec une république pure et hostiles à l'établissement intègre qu'on allait si vainement essayer. Benjamin Constant y apparaît, au contraire, dans la candeur du noviciat, enclin de sentiments vers les républicains modérés, vers ces mêmes patriotes qu'on lui peint dans le salon de Madame de Staël comme des âmes sanguinaires. Exact et bien dirigé en ce qui touche les sentiments politiques de Benjamin Constant, l'ingénieux écrivain n'a pas rendu la même justice à Madame de Staël. Quel qu'ait pu être, en effet, le mélange inévitable de son salon, comme de tous les salons à cette époque bigarrée, les vœux manifestes qu'elle formait n'était pas dans un autre sens que l'honorable et raisonnable tentative de l'établissement de l'an III. Sans nous en tenir à ce qu'elle exprime là-dessus dans ses considérations, qu'on pourrait soupçonner d'arrangement à distance, nous ne voulons pour preuve que ses écrits de 95 à 1800 et les résultats ostensibles de ses actes. En général, il y a deux sortes de personnes qu'il ne faut jamais consulter ni croire quand il s'agit des relations et du rôle de Madame de Staël durant cette époque. D'une part, les royalistes restaient fidèles à leur vieille rancune. Ceux-ci l'accusent d'alliance monstrueuse, de jacobinisme presque, d'adhésion aux 18 fructidors. Note. C'est cette idée assez répandue qu'elle aurait adhéré ou poussé aux 18 fructidors qui a fait dire d'elle qu'elle jetait ses amis à l'eau pour se donner le plaisir de les repêcher le lendemain. En France, un bon mot est souvent toute la preuve d'un fait. Et puisque j'en suis à ces mots-là, je les mettrai ici tels que je les trouve dans les journaux du temps avec les variantes. Elle avait, disait-on encore, jeté tous ses amis à la mer pour avoir le plaisir de les repêcher à la ligne. Une des victimes du 18 fructidor, un respectable déporté, Barbé Marbois, devant qui, plus tard, elle repoussait avec horreur le soupçon d'avoir participé à ces violences, lui aurait dit « Je sais, madame, que vous ne vous êtes pas mêlée des détails du voyage, mais vous avez donné le signal du départ. Enfin, monsieur de Talleyrand, qui avait pris part à ce coup d'État comme ministre, aurait dit, par une de ses courtes formules à lui familières, « Madame de Staël a fait le 18, mais non pas le 19. » Reprise. Ceci l'accuse d'alliance monstrueuse, de jacobinisme presque, d'adhésion aux 18 fructidors, que sais-je. D'autre part, ceux dont on ne doit pas moins récuser le témoignage à son sujet, ce sont les conventionnels, plus ou moins ardents, qui, favorables eux-mêmes aux 18 Fructidor, puis adhérents aux 18 Brumaire, ont finalement servi l'Empire. Ils n'ont jamais rencontré cette femme insoumise que dans des rangs opposés. Les amis politiques, les plus vrais de Madame de Staël à cette époque, doivent se chercher dans le groupe éclairé et modéré, où figurent Langevinet, Boissy d'Anglas, Cabanis, Garat, Daunou, Tracy, Chénier. Elle les estimait, les recherchait. Sa liaison avec quelques-uns d'entre eux était assez grande. À partir du 18 Brumaire, un intérêt plus vif s'y mêla. L'opposition de Benjamin Constant au tribunat devint un des derniers nœuds de rapprochement. Lorsque le livre « De la littérature » en 1800 et « Delphine » en 1803 parurent, ce fut seulement parmi cette classe d'amis politiques, nous le verrons, qu'elle trouva de zélés défenseurs contre le déchaînement et la virulence du parti contraire. Après cela, hâtons-nous de le dire, nous ne voulons faire à aucun moment Madame de Staël plus circonscrite en matière de pensée, plus circonspecte en matière de relations. Note. Un poète anglais moraliste, et qui tour à tour aimable ou austère, s'est parfois montré sévère pour la France jusqu'à l'injustice, William Cowper, n'a pourtant pas tout à fait tort quand il définit quelque part les Français, à l'occasion de la guerre d'Amérique, ce peuple à l'humeur inquiète et ingérante, meddling, qui se mêle à tout, qui se mêle du moins de bien des choses. Madame de Staël ne pouvait s'empêcher d'être plus que personne de cette nation-là. Aussi, il lui arriva souvent d'étonner, par ses empressements d'expansion et sa mise en avant, des Anglais, des Hollandais, des hommes distingués de ces races réservées et prudentes, lorsqu'il la rencontrait dans le monde pour la première fois. Voir page 88 du livre intitulé « Notices et souvenirs biographiques du comte Van der Duyn, etc. » recueillis et publiés par le baron de Grosvétin, 1852. Reprise. Madame de Staël plus circonscrite en matière de pensée, plus circonspecte en matière de relations, plus exclusive enfin qu'elle ne l'a réellement été. Elle a toujours été précisément le contraire d'être exclusive. En même temps que sa jeune et mâle raison se déclarait pour cette cause républicaine, son esprit, ses goûts, sympathisaient par mille côtés avec des opinions et des sentiments d'une autre origine, d'une nature ou plus frivole ou plus délicate, mais profondément distincte. C'est son honneur, et un peu son faible, d'avoir pu ainsi allier les contraires. Si Garat, Cabanis, Chénier, Ginguené, Daunou se réunissaient à dîner chez elle avec Benjamin Constant une fois par semaine, ou plutôt par décade, on disait encore ainsi. Les 9 autres jours étaient destinés à d'autres amis, à d'autres habitudes de société, à des nuances de sentiments qui ne faisaient jamais invasion dans les teintes plus sévères. Tout cela, je le crois bien, avait pour elle un certain ordre, une certaine hiérarchie peut-être. Monsieur de Montmorency, ou tel autre du même monde, ne se serait jamais rencontré par hasard chez elle le jour où les écrivains de la décade philosophique y dînaient réunis. Ginguené en faisait parfois la remarque en s'en revenant et ne se montrait pas trop satisfait de ces séparations exactes, un peu suspectes, à son gré, d'aristocratie. Ses compagnons le ramenaient bientôt à plus de tolérance. L'amabilité élevée, le charme sérieux de Madame de Staël, maintenait tout. Le livre de la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales parut en 1800, un an environ avant cette autre publication rivale et glorieuse qui se présageait déjà sous le titre de « Beautés morales et poétiques de la religion chrétienne ». Quoique le livre de la littérature n'ait pas eu depuis lors le retentissement et l'influence directe qu'on aurait pu attendre, ce fut, dans le moment de l'apparition, un grand événement pour les esprits, et il se livra alentour un violent combat, nous tâcherons d'en retracer la scène, les accidents principaux, et d'en ranimer quelques acteurs du fond de ces vastes cimetières appelés journaux, où ils gisent, presque sans nom. On a souvent fait la remarque du désaccord frappant qui règne entre les principes politiques avancés de certains hommes et leurs principes littéraires opiniâtrement arrêtés. Les libéraux et républicains se sont toujours montrés assez religieusement classiques en théorie littéraire, et c'est de l'autre côté qu'est venue principalement l'innovation poétique, l'audace brillante et couronnée. Le livre de la littérature était destiné à prévenir ce désaccord fâcheux, et l'esprit qui l'a inspiré aurait certes porté fruit alentour si les institutions de liberté politique, nécessaires à un développement naturel, n'avaient été brusquement rompues, avec toutes les pensées morales et littéraires qui tendaient à en ressortir. En un mot, des générations jeunes, si elles avaient eu le temps de grandir sous un régime honnêtement directorial ou modérément consulaire, auraient pu développer en elles cette inspiration renouvelée, poétique, sentimentale, et pourtant d'accord avec les résultats de la philosophie et des Lumières modernes, tandis qu'il n'y a eu de mouvement littéraire qu'à l'aide d'une réaction catholique, monarchique et chevaleresque, qui a scindé de nobles facultés dans la pensée moderne. Le divorce n'a pas cessé encore. L'idée que Madame de Staël ne perd jamais de vue dans cet écrit, c'est celle du génie moderne lui-même, toutes les fois qu'il marche, qu'il réussit, qu'il espère. C'est la perfectibilité indéfinie de l'espèce humaine. Cette idée, qui se trouve déjà éclose chez Bacon, quand il disait « Antiquitas saeculi, juventus mundi », que M. Leroux, revue encyclopédique, mars 1833, a démontré explicite au sein du XVIIe siècle par plus d'un passage de Fontenelle et de Perrault, et que le XVIIIe a propagé dans tous les sens, jusqu'à Turgot qui en fit des discours latins en Sorbonne, jusqu'à Condorcet, qui s'enflammait pour elle à la veille du poison. Cette idée anime énergiquement et dirige Madame de Staël. Guillemet. Je ne pense pas, dit-elle, que ce grand œuvre de la nature morale ait jamais été abandonnée. Dans les périodes lumineuses, comme dans les siècles de ténèbres, la marche graduelle de l'esprit humain n'a point été interrompue. Fin des guillemets. Et plus loin, guillemets, en étudiant l'histoire, il me semble qu'on acquiert la conviction que tous les événements principaux tendent au même but, la civilisation universelle. J'adopte de toutes mes facultés cette croyance philosophique. Un de ses principaux avantages, c'est d'inspirer un grand sentiment d'élévation. Fin des guillemets. Madame de Staël n'assujettit pas à la loi de perfectibilité les beaux-arts, ceux qui tiennent plus particulièrement à l'imagination, mais elle croit au progrès, surtout dans les sciences, la philosophie, l'histoire même, et aussi à certains égards dans la poésie, qui, de tous les arts, étant celui qui se rattache le plus directement à la pensée, admet chez les modernes un accent plus profond de rêverie, de tristesse, et une analyse des passions inconnues aux anciens. De ce côté, se déclare sa prédilection pour Ossian, pour Werther, pour l'Héloïse de Pope, la Julie de Rousseau, et Aménaïde dans Tancrède. Les nombreux aperçus sur la littérature grecque, très contestables par la légèreté des détails, aboutissent à un point de vue général qui reste vrai à travers les erreurs ou les insuffisances. Le caractère imposant, positif, éloquemment philosophique de la littérature latine y est fermement tracé. On sent que pour en écrire, elle s'est de première main adressée à Salluste, à Cicéron, et qu'elle y a saisi des conformités existantes ou possibles avec l'époque contemporaine, avec le génie héroïque de la France. L'influence du christianisme sur la société, lors du mélange des nouveaux venus barbares et des Romains dégénérés, n'est pas du tout méconnue, mais cette appréciation, cet hommage, ne sortent pas des termes philosophiques. Une idée neuve et féconde, fort mise en œuvre dans ces derniers temps, développée par le saint-simonisme et ailleurs, appartient en propre à Madame de Staël. C'est que, par la Révolution française, il y a eu véritable invasion de barbares, mais à l'intérieur de la société, et qu'il s'agit de civiliser et de fondre le résultat, un peu brut encore, sous une loi de liberté et d'égalité. On peut aisément aujourd'hui compléter la pensée de Madame de Staël. C'est la bourgeoisie seule qui a fait invasion en 89. Le peuple des derniers rangs, qui avait fait trouée en 93, a été repoussé depuis à plusieurs reprises, et la bourgeoisie s'est cantonnée vigoureusement. Il y a aujourd'hui tant d'arrêts dans l'invasion, comme sous l'empereur Probus ou quelque autre pareil. De nouvelles invasions menacent pourtant, et il reste à savoir si elles se pourront diriger et amortir à l'amiable, ou si l'on ne peut éviter la voie violente. Dans tous les cas, il faudrait que le mélange résultant arrivât à se fondre, à s'organiser. Or, c'est le christianisme qui a agi sur cette masse combinée des barbares et des romains. Où est le christianisme nouveau qui rendra aujourd'hui le même service moral ? Guillemets. Heureux, s'écrie Madame de Staël, si nous trouvions, comme à l'époque de l'invasion des peuples du Nord, un système philosophique, un enthousiasme vertueux, une législation forte et juste, qui fût, comme la religion chrétienne l'a été, l'opinion dans laquelle les vainqueurs et les vaincus pourraient se réunir. Fin des guillemets. Plus tard, en avançant en âge, en croyant moins, nous le verrons, aux inventions nouvelles et à la toute-puissance humaine, Madame de Staël n'eut pas placé hors de l'ancien et de l'unique christianisme le moyen de régénération morale qu'elle appelait de ses vœux. Mais la manière dont le christianisme se remettra à avoir prise sur la société de l'avenir demeure voilée encore. Et pour les esprits méditatifs les plus religieux, l'inquiétude du grand problème n'a pas diminué. Dès que le livre de la littérature parut, la Décade philosophique donna 3 articles ou extraits sans signature et sans initiale. C'est une analyse très exacte et très détaillée, avec des remarques critiques et quelques discussions où l'éloge et la justesse se mesurent fort bien. On y fait observer qu'Ossian n'est qu'un type incomplet de la poésie du Nord, et que l'honneur de la représenter appartient de droit à Shakespeare. On y lit, à propos des poèmes d'Homère, cette phrase qui annonce un littérateur au courant des divers systèmes. Guillemets. Madame de Staël admet sans aucun doute et sans discussion que ses poèmes sont l'ouvrage du même homme et sont antérieurs à tout autre poème grec. Ces faits ont été souvent contestés et l'une des considérations qui prouve qu'ils peuvent l'être encore, c'est l'impossibilité où l'on est de les concilier avec plusieurs des faits les mieux constatés de l'histoire des connaissances humaines. Fin des guillemets. Le critique reproche au livre trop peu de plans et de méthodes. Guillemets. Un autre genre de faute, ajoute-t-il, c'est trop de subtilité dans certaines combinaisons d'idées. On y trouve quelquefois, à des faits généraux bien saillants et bien constatés, des causes trop ingénieusement cherchées pour être absolument vraies, trop particulières pour correspondre aux résultats connus. Fin des guillemets. Mais il y loue hautement la force, l'originalité. Guillemets. Et ces deux qualités, dit-il, y plaisent d'autant plus qu'on sent qu'elles sont le produit d'une sensibilité délicate et profonde, qui aime à chercher dans les objets leur côté analogue aux vues les plus relevées de l'esprit et aux plus nobles sentiments de l'âme. Fin des guillemets. Note. Nous avons dû chercher quel pouvait être l'auteur anonyme de ces trois remarquables extraits sans initiales. Ils ne sont probablement pas de Ginguené, qui parla plus tard de Delphine dans la Décade, mais dont le style est différent. Il nous avait d'abord semblé que si Benjamin Constant avait voulu écrire alors sur le livre de la littérature, il n'aurait guère autrement fait. Mais la seule personne survivante de la Décade, qui fut à même de nous éclairer sur cette particularité de rédaction, le respectable M. Amaury Duval, nous a affirmé que les extraits n'étaient pas de Benjamin Constant. Et il penche à croire qu'ils furent remis au journal par un M. Marignez, médecin de Montpellier et littérateur à Paris, auteur d'une tragédie de Zoraïde dont il est question dans Grimm, homme qui avait plus de mérite réel qu'il n'a laissé de réputation. J'ai depuis reconnu que ces articles étaient de M. Foriel, fort lié à une certaine heure avec Mme de Staël. Voir mes portraits contemporains, article Foriel.